بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الخامس عشر في هذه السلسلة في تفسير كتاب الله تعالى Nous sommes donc au 15e cours dans cette série, dans l'exégèse du livre d'Allah, le Très Haut. Et certes, nous sommes parvenus à la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit Kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insan ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla وَحَدَائِقَ غُلْبَ وَفَاكِهَةً وَأَبَّ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Non, il n'a pas encore accompli ce qu'il a ordonné, alors que l'être humain regarde vers sa nourriture, que c'est nous qui faisons descendre, qui versons l'eau en quantité, puis nous fendons la terre. Puis, nous en faisons pousser les grains, ainsi que les vignobles, et aussi, donc, les plantes dont se nourrissent les bêtes. Qadba, ce sont les plantes dont se nourrissent les bêtes. Wa zaytouna wa nakhla, mais aussi les oliviers, les palmiers et les jardins touffus. Des jardins touffus. Wa faakihatan wa abba. Des fruits et des herbages. Là donc des herbes que l'homme n'a pas fait pousser, l'homme n'a pas cultivé. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Pour votre jouissance et celle de vos bêtes. فرأينا في الدرس الماضي أن الله تعالى أنكر على المنكرين للبعث فذكر أنه هو الذي خلق الإنسان فبين له كل ما احتاج إليه ثم كرمه حتى بعد موته Nous avons vu lors du cours précédent que Allah تعالى a fait le reproche à ceux qui rejettent la résurrection. Et il a expliqué que c'est lui qui a créé l'être humain et qui lui a montré tout ce dont il avait besoin. Et qu'il a valorisé, qu'il a honoré celui-ci, même après sa mort. ثُمَّ أَنْشَرَهُ اللَّهُ إِذَا شَاءَ Puis Allah le ressuscite quand il voudra. ثُمَّ قَالَ Et ensuite Allah il dit كَلَّا لَمَّ يَقْدِمَ أَمَرَ Non, il n'a pas encore accompli ce qu'il a ordonné. قال بعض أهل العلم أي أن الإنسان مع هذه الأمور كلها التي أعطاه الله تعالى فلم يقض ما أمره الله تعالى من طاعة ربه والإخلاص له في العبادة. Certains savants ils disent que ce qui est voulu par là c'est que l'être humain malgré tout ce que Allah lui a accordé Malgré tout ce que Allah le Très-Haut lui a accordé, l'être humain, il n'a pas accompli ce que Allah lui a ordonné quant au fait d'obéir à son Seigneur et de lui accorder un culte exclusif. وقال آخرون بل المعنى أن الله ذكر أنه ينشر الإنسان أو ينشر الإنسان إذا شاء ثم بين له أنه لم يقض هذا بعد فلم ينشر الإنسان بعد لأنه لم يشأ ذلك بعد ولأن الإنسان لا بد أن يستكمل أجله الذي قدره الله عز وجل له. Et certains savants, ils voient que ce qui est voulu par là, c'est que Allah n'a pas encore ressuscité l'être humain. Et donc Allah, il montre ici qu'il n'a pas encore accompli son ordre, donc la résurrection. Alors il n'a pas encore ressuscité l'être humain parce qu'il n'a pas encore voulu cela. Et aussi parce que l'être humain doit donc compléter le terme que Allah lui a déterminé. Le terme que Allah Ta'ala lui a déterminé. ثم بين الله للعبد ما أنعم به عليه فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه. Ensuite Allah il montre au serviteur ce qu'il lui a accordé comme bienfait. Alors Allah il dit فلينظر الإنسان إلى طعامه. Alors que l'être humain regarde sa nourriture. لماذا ينظر إلى طعامه. Pourquoi est-ce que l'être humain regarde sa nourriture? Pourquoi? لِيَتَأَمَّلْ فِي ذَلِكِ. Afin de méditer sur cela. Subhanallah. انظر إلى رحمة الله بالعباد. Subhanallah. Regarde et médite sur la miséricorde d'Allah envers les serviteurs. جَعَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةً عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ. Allah, il a placé en toute chose un signe qui montre la véracité de ce avec quoi sont venus les prophètes, les messagers. Quand l'alamatu Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, fi tafsir al-Fatiha, fi qawlillahi ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, qala rahimahullah, kullu ma siwa Allahi fa huwa alam. ووصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني الربوبية انتهى. Le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit dans son exégèse de Surat al-Fatiha, la parole d'Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur de l'univers. Il dit, le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est l'univers. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est ce qu'on appelle alam. Et ils ont été appelés comme cela, ils ont été décrits comme cela, car ce sont des signes, alam, donc l'univers, le monde, alam, ce sont des signes, le mot alam, signe, alam. Ce sont des signes qui montrent la présence de leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans toute créature un signe qui montre le Créateur. Un signe qui montre sa puissance, sa sagesse, sa miséricorde, sa force, et autre que cela parmi les significations de la Seigneurie. Fin de citation. فَانْظُرْ إِلَى الطَّعَامِ الَّذِي تَتَنَاوَلُهُ كُلَّ يَوْمٍ. Alors, regarde ce repas et médite sur ce repas que tu manges tous les jours. Man ataka bi, qui est venu à toi avec ce repas? Law sha'a Allah la ja'ala al-ardha la taqbalu az-zar'a. Si Allah voulait, il aurait fait que nous ne puissions pas cultiver la terre. Man alladhi ya'tika bit-ta'am ba'da dhalik? Alors qui vient à toi avec la nourriture si nous ne pouvons pas cultiver la terre? Ta'ammal, médite. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit « Anna sababna al-ma'a sabba » C'est nous qui avons versé l'eau en quantité, de façon abondante. « Aïe min as-sahab » C'est-à-dire, depuis les nuages. « Thumma shaqaqna al-arda shaqqa » Ensuite, nous faisons fendre la terre. « Faj'ala Allahu al-arda taqbalu al-ma'a » Et donc, Allah, il fait en sorte que la terre, elle accepte l'eau. Il aurait pu faire en sorte que la terre n'accepte pas l'eau et que l'eau, elle reste à la surface, comme à beaucoup d'endroits. L'eau, elle reste à la surface, elle ne cultive pas. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Alors nous faisons pousser des grains, كَالْبُرْ وَالْرُزْ وَغَيْرِ ذَلِكَ, tel que le blé, le riz et autres. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Ainsi que le vignoble, la vigne et Al-Qadb, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont donc les plantes dont vont se nourrir les bêtes. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Les oliviers, les palmiers. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Et des jardins touffus. أَيْ كَثِيرَةُ الْأَشْجَارِ. C'est-à-dire des jardins qui ont beaucoup d'arbres. وَفَاكِهَةً. Des fruits. أَيْ لَكُمْ. C'est-à-dire des fruits pour vous. وَأَبَّا. Et un herbage. لِأَنْعَامِكُمْ. Un herbage pour vos animaux. Donc des fruits pour vous et l'herbage pour vos animaux. Pour vos bêtes. فَهَلْ خَلَقْتُمْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ وَجَدْتُمُوهَا مَوْجُودَةً حِينَمَا جِئْتُمْ عَلَى الْأَرْضِ. Est-ce que c'est vous qui avez créé ces choses ou alors vous les avez trouvées présentes lorsque vous êtes venus sur la terre? فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا عَلَى الْأَرْضِ فَمَنْ خَلَقَهَا. Si vous les avez trouvées sur la terre, alors qui les a créées? فَهُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. C'est Allah, celui qui a créé toutes choses. ثُمَّ قَالَ. Ensuite Allah il dit, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Pour votre jouissance et celle de vos bêtes. فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خُلِقَتْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Et donc toutes ces choses, elles ont été créées pour vous et vos bêtes. يَعْنِي أَنَّهَا خُلِقَتْ لَكُمْ. C'est-à-dire que toutes ces choses, en fait, elles ont été créées pour vous. Et donc, toutes ces choses, en réalité, elles ont été créées pour vous. Pourquoi? Parce que même vos bêtes, elles ont été créées pour vous. Et donc, au final, toutes ces choses, elles ont été créées pour vous. Frère, c'est Akfouroun. Allez-vous m'écroire? ثُمَّ ذَكَرَ الْقِيَامَةِ. Ensuite Allah il cite la résurrection. Il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Alors lorsque viendra le fracas et que l'homme fuira de son frère, mais aussi de sa mère et de son père, mais aussi de sa mère et de son père, de son épouse et de ses enfants. Chacun d'entre eux aura en ce jour sa situation qu'il occupe, qui le préoccupe. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّخَّةِ. Alors lorsque viendra le fracas, أَيَّ النَّفْخَ فِي الصُّورِ, c'est-à-dire le souffle dans la trompe. وَسُمِّيَتِ الصَّخَّةُ كَذَلِكِ لِأَنَّهَا تَصُخُّ الْأَسْمَاعِ فَتُبَالِغُ عَنِ الْأَسْمَاعِ حَتَّى تَكَادَ تَصُمُّهَا. Et donc, le souffle a été appelé comme cela parce que ce son-là, le fracas, fracasse les oreilles. Et cela est tellement insistant, tellement fort et tellement violent que peu ne s'en faut que les oreilles deviennent sourdes. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour où l'homme fuira de son frère. C'est وَأَنْ كَانَ الْأَخِ الشَّقِيقُ أَوْ لِأَبْ أَوْ لِأُمْ, que ce soit son frère de lait du père et de la mère, ou du père ou de la mère. Frère paternel ou frère maternel. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, et qu'il fuira de sa mère et de son père. فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْأَبْ وَالْأُمْ الْمُبَاشِرَانِ لَهُ ثُمَّ الْأَجْدَادِ, et donc rentre dans cela, donc son père et sa mère, ses deux parents directement, mais aussi les grands-parents. وَصَحِبَتِهِ وَبَنِي, son épouse et ses enfants. أَوْلَدُهُمُ الْمُبَاشِرُونَ لَهُ, et donc dans ce verset, cela concerne donc ses enfants directement, mais aussi les petits-enfants. Et donc ces gens-là, ce sont eux qui sont les plus proches de lui. Et en ce jour-là, il fuira de tous. Il va chercher à fuir d'eux. Tous. ذكر أهل العلم أنه يفر منهم لأن لا يطالبوه بما فرط به في حقهم. Les gens de science, ils ont cité que il va fuir d'eux, chercher à fuir d'eux, parce qu'il ne veut pas que ceux-ci lui demandent les négligences qu'il a eues les concernant. Ce jour-là, personne ne veut rendre des comptes, car les gens sont effrayés. Chacun d'entre eux aura en ce jour-là sa situation qui le préoccupe. Une situation qui le préoccupe. Chacun s'occupe de sa propre personne en ce jour-là. Ne pense pas que tes compagnons, ceux qui sont avec toi dans le péché, dans l'innovation, dans l'injustice, ne pense pas qu'ils seront avec toi comme cela, Yaoum al-Qiyama. Ils fuiront, chacun pour soi. Aujourd'hui, tu te sens bien avec tes copains, à insulter tes frères et autres. Yaoum al-Qiyama, ils fuiront de toi. Ils fuiront de toi et tu fuiras d'eux, chacun pour soi. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة. عائشة رضي الله عنها, elle a cité que le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit que nous serons ressuscité au jour de la résurrection, nu-pieds, pieds nus, dénudés, et aussi rourlan, incirconcis. C'est-à-dire que nous serons ressuscités comme nous avons été créés. Rien ne manquera. قالت عائشة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. عائشة dit les hommes et les femmes, ils se regardent les uns les autres. La pudeur. Ah oui, elle a tout de suite pensé à ça, parce que c'est la pudeur de la femme, la pudeur de l'être humain, ce qui est dans la normalité, qui n'existait plus chez beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha en disant: Al-amru a'zamu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. La situation est bien plus grave que le fait que chacun regarde vers les autres. Les gens ne seront pas concentrés sur ce sujet-là. Chacun pour soi. Chacun pour soi. ثم قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة. Ensuite Allah il dit des visages seront ce jour-là rayonnants. فوجوه المؤمنين تسفر عما في قلوبهم من السرور. Et donc les visages des croyants rayonnent de ce qu'ils ont, de ce qu'elles contiennent, de ce que les cœurs contiennent comme joie. Dahikatun mustabshira, riant et réjoui. Des visages qui rient et qui sont réjouis en ce jour. Aï mustabshiratun bushira bil khabar li'anna al malaika yubashshirunahum bil khabar hina mawtihim. Et donc cela signifie donc que ces visages seront réjouis car la bonne nouvelle leur a été annoncée. Les anges leur ont annoncé la bonne nouvelle lors de leur mort. Rappelez-vous quand on l'a vu dans le tafsir. Les anges qui diront: « Oh, belle âme qui était dans ce corps bon, viens vers la miséricorde de ton Seigneur !» Et donc, la bonne nouvelle leur a été annoncée. Et aussi dans la tombe. فهذا حال المؤمنين. Telle est la situation des croyants ce jour. أما الكفار. En ce qui concerne les incroyants, alors Allah a dit leur concernant: وجوه يومئذ عليها غبرة. Et des visages en ce jour seront couverts de poussière. من قبحها. Tellement ces visages seront moches. ترهقها قترة. Et donc, qui seront couverts de ténèbres. Oulaika humul kafaratul fajara. Ceux-là sont les incroyants, les pervers. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve tous de son châtiment au jour de la résurrection. Il est certes capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continue la semaine prochaine إنشاءالله تعالى. Et on demande à Allah عز وجل qui nous accorde à tous la réussite. بارك الله فيكم.